Yeah. Bienvenue sur terre, là où ça tire, où ça tue, où trop de frères, ça tue, où ça t'emplante, ça tente. Tous les mecs s'attendent en bas de la boîte, tous les gars sont constants, tous les gros, les guns sont en vente, tous les gars deviennent hooligans, et juste pour le plaisir, se flotte. Où tout un continent est manipulé par les médias, une putain de poignée d'hommes d'état. Où tous les matins un mec se lève et crève d'un attentat. Les héros qui président ont le droit de tuer, pendant que j'ai même pas le droit de fumer. Pour d'autres c'est pire si on fumait. Interdiction de rentrer dans ce pays pendant que d'autres se plaignent d'y être. Mais mettez-les dans un jet à la diète pour plus qu'ils jarrent. Yeah. Là où 1000 personnes bavent et une tease. Là où une personne se gave et gâche et 10 000 agonisent. Là où quand c'est passé t'entends tout le monde jacasser. Yeah. Là où quand ça se fait tout le monde se tait. Yeah. Une pensée pour tous les gars qui sont plus en chien que moi. La tête, famille de victimes, pays en guerre ou mère de soldats. La tête, enfants de la tasse sont décédés aux yeux dans le coma. La tête, petites filles qui malgré elles sont plus fusées. Victimes d'abus sexuels. La tête, une pensée pour tous les gars qui sont plus en chien que moi. La tête, famille de victimes, pays en guerre ou mère de soldats. La tête, enfants de la tasse sont décédés aux yeux dans le coma. La tête, petites filles qui malgré elles sont plus fusées. La tête, victimes d'abus sexuels. La tête, garde la tête. Bienvenue sur terre, petit, écoute pas les potins. La vie c'est clair, c'est bien, enfin c'est mieux clair. Surtout pas que tu te fies au destin. Ta vie c'est toi, toi qui l'as fait. Ouais, fais la bien. Et je lance une gaze, baby. Et je lance une gaze, mec ancien. Vraiment de la base, baby. Vraiment de la base. Faut mettre bien, mon ami, mais la zika fade pas. Même si dans la merde la roue ça tape. Ah, tourner, affronte, te tire pas quand ça va pas. Ciao. Pour les victimes de catastrophes naturelles, la vie n'est pas sans mais elle vaut quelques strophes à durer. Tu n'as pas de son, mais aussi tu n'as pas de papier. Garde la tête, oh. Tu n'as pas de quoi manger aussi, tu dois au pénitencier. Garde la tête, oh. On attend plus que le con, oh. Bombe de fou, de sort mort. Ce qui pètera tout quand tu vois que 90% de la pollution actuelle a été forgée. Que pendant ces 100 piges, t'es mis à la page, c'est t'as pigé. Je veux pas te rendre bordel, mais si tu te barres de là, par tous ces bordels, je te jure, tu peux toujours jarter. Genre t'es bien, mais la vie ne porte pas de jartel. Tiens, une pensée pour tous les gars qui sont plus en chien que moi. La tête, oh. Famille de victimes, pays en guerre ou mère de soldats. La tête, oh. Enfants de la tasse sont décédés aux yeux dans le coma. La tête, oh. Petites filles qui malgré elles sont plus fusées. Victimes d'abus sexuels. La tête, oh. Une pensée pour tous les gars qui sont plus en chien que moi. La tête, oh. Famille de victimes, pays en guerre ou mère de soldats. La tête, oh. Enfants de la tasse sont décédés aux yeux dans le coma. La tête, oh. Petites filles qui malgré elles sont plus fusées. La tête, oh. Victimes d'abus sexuels. La tête, oh. Garde la tête.